Chapitre 19. Le lendemain, en effet, Catherine prit sa première leçon. Mais ce ne fut pas ce qu'elle attendait. Il ne lui fut révélé aucun secret. Sa tante lui donna une quenouille chargée de lin et lui dit « Fais-en le fil le plus fin que tu pourras. » C'était bien assez pour la première fois, car au pays de Catherine, on ne filait que du chanvre pour faire de la toile forte. Elle ne s'y prit pas trop mal, et pourtant c'était si loin de ce qu'elle eût voulu faire, qu'elle craignait de montrer son ouvrage. Elle s'attendait à des reproches, mais la tante lui fit au contraire des compliments, disant que c'était très bien pour un premier jour, et que ce serait mieux encore le lendemain. Catherine demandait à rester à la maison. Elle eût voulu voir travailler sa tante. « Non, dit celle-ci, je ne peux pas travailler quand on me regarde. Je ne travaille d'ailleurs que dans ma chambre, et à ton âge, on ne peut pas rester enfermé. Tu travailleras en te promenant ou en regardant mes vaches, comme il te plaira. Je ne t'oblige à rien, car je vois que tu n'es pas une paresseuse, et je sais que tu feras de ton mieux. » Certainement, Catherine n'était point paresseuse. Cependant, elle était impatiente, et cette manière d'apprendre toute seule ne répondait pas à l'idée d'un grand secret qu'elle aurait reçu, comme on avale une tasse de lait sucré. Elle faisait bien tous les jours un petit progrès. Chaque soir, elle rapportait bien son fuseau chargé d'un fil plus fin que celui de la veille. Mais elle ne s'en apercevait pas beaucoup. Et au bout d'une semaine, elle sentit de l'ennui et du dépit contre sa tante, dont les encouragements l'impatientaient. Renée, tout aimable et complaisante qu'elle était, la fâchait aussi par sa tranquillité. Elle avait pour devoir de soigner les animaux et le laitage. Elle ne s'intéressait pas à autre chose. Benoît n'était presque jamais là. Il vivait dans les bois, et quand il avait du temps de reste, il chassait et n'aimait pas d'autre compagnie que celle de son chien. Catherine se trouvait souvent seule. Elle ne voyait sa grand-tante qu'aux heures des repas. Le soir, Madame Colette se retirait de bonne heure dans sa chambre pour travailler. Renée ronflait aussitôt qu'elle avait la tête sur le traversin. Catherine songeait, rêvassait et pleurait quelquefois. Elle se disait qu'au train dont Madame Colette menait les choses, elle aurait des cheveux blancs comme elle avant de savoir filer aussi bien qu'elle, et songeant à sa mère, elle craignait ses moqueries quand, au bout de 3 mois, celle-ci ne la trouverait guère plus avancée que le premier jour. Un matin, Catherine sortit de bonne heure. Elle avait pris la résolution de filer si bien ce jour-là que la tante se verrait forcée de lui donner son secret. Elle alla s'asseoir dans les rochers pour ne rien voir autour d'elle et n'être pas distraite. Mais peut-on ne rien regarder? Elle leva les yeux malgré elle et vit le glacier qui montait au-dessus d'elle et le haut de la montagne qui se trouvait à découvert. Jusqu'à ce moment, Catherine ne l'avait pas vu parce qu'il y avait toujours eu une vapeur qui le cachait. Le ciel étant enfin très pur, elle admira ces belles neiges dentelées en blanc sur l'air bleu et fut reprise du désir d'aller jusque-là. Mais c'était très dangereux. Renée l'en avait averti et la tante Colette lui avait défendu d'essayer, disant que cela était bon pour des garçons. Catherine se contenta de regarder en soupirant cette chose si belle qu'elle aurait voulu toucher et qui paraissait tout près, bien qu'elle fût très loin. Elle vit alors ce qu'elle n'avait pas encore vu dans le ciel de ce pays-là, des flocons de petits nuages dorés qui s'amassaient autour de la plus haute dent du glacier et qui lui faisaient comme un collier de grosses perles. « Comme c'est joli !» se disait-elle. « Et comme je voudrais savoir faire un fil assez menu pour enfiler des perles si légères !» Comme elle pensait cela, elle vit sur la dent du glacier quelque chose de petit mais de brillant, un point rouge qui se mouvait aux rayons du soleil juste au-dessus du collier de petits nuages. Qu'est-ce que cela pouvait être? Une fleur? Un oiseau? Une étoile? Si j'avais, pensait-elle, les lunettes d'argent de ma grand-tante, je verrais certainement ce que c'est, car elle m'a dit qu'avec ces lunettes-là, elle voyait tout ce que les yeux ne voient pas. Il lui fallut bien se contenter de ses yeux, et regardant toujours, Elle vit le petit point rouge attirer à lui tous les petits nuages dorés, jusqu'à ce qu'il en fût si enveloppé qu'on ne le voyait plus du tout. Tous les petits nuages réunis n'en faisaient plus qu'un gros qui brillait et tournait en boule d'or au sommet le plus élevé, comme le coq d'une girouette sur un clocher. Au bout d'un moment, cette boule s'enleva et monta en se faisant toujours plus petite, jusqu'à ce qu'elle devint toute rose, et Catherine l'entendit chanter d'une voix pure comme le cristal et sur un air le plus joli du monde. « Bonjour Catherine, Catherine, me reconnais-tu ? » ?»« Oui, oui !» s'écria Catherine. « Je te reconnais, je t'ai portée dans mon tablier. Tu es mon petit ami, le nuage rose, celui qui parle et dont j'entends à présent les paroles. Cher petit nuage, tu es un peu fou, tu as cassé mon beau pommier fleuri, mais je te pardonne, tu es si rose et je t'aime tant. » Le nuage répondit. « Ce n'est pas moi, Catherine, qui ai cassé ton pommier fleuri, c'est le tonnerre, un méchant qui se loge dans mon cœur et qui me force à devenir fou. Mais vois comme je suis douce et tranquille quand tu me regardes avec amitié. Ne viendras-tu pas quelque jour sur le haut du glacier? Ce n'est pas si difficile qu'on te l'a dit, c'est même très aisé, tu n'as qu'à vouloir. Je serai là d'ailleurs, et si tu tombes, tu tomberas sur moi, je te soutiendrai pour que tu n'aies pas de mal. Viens demain, Catherine, viens dès le lever du jour. Je t'attendrai toute la nuit, et si tu ne viens pas, j'aurai tant de chagrin que je me fondrai en grosses larmes et qu'il y aura de la pluie toute la journée. » « J'irai, » s'écria Catherine, « j'irai, bien sûr. » À peine eut-elle fait cette réponse qu'elle entendit un bruit comme un coup de canon suivi d'un éclatement de mitraille. Elle eut si grand peur qu'elle s'enfuit, pensant que le malicieux nuage recommençait à la trahir et à lui rendre le mal pour le bien. Comme elle courait tout éperdue vers la maison, elle rencontra Benoît qui sortait fort tranquillement avec son chien. « Est-ce toi, lui dit-elle, qui as fait ce coup de tonnerre avec ton fusil ?»« Le bruit de tout à l'heure ?» répondit-il en riant. « Ce n'est ni le tonnerre ni mon fusil, c'est un lavange. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la glace qui fond au soleil, qui éclate et qui roule en entraînant les pierres de la terre et quelquefois des arbres quand il s'en trouve sur son passage. Des personnes, par conséquent, si le malheur veut qu'il y en ait qui ne se garent pas à temps. Mais on n'a pas toujours la mauvaise chance, c'est même très rare, et il faut habituer à voir ces accidents-là. » À présent que le beau temps est revenu, ça se verra tous les jours et peut-être à toute heure. » « Je m'y habituerai, mais puisque te voilà, Benoît, dis-moi donc si tu monterais bien sur la grande dent du glacier, toi qui es un garçon et qui n'as peur de rien. » « Non, dit Benoît, on ne monte pas sur ces dents-là, mais j'ai bien été tout auprès et j'en ai touché le pied. Ce n'est pas la saison pour s'amuser à ça, il fait trop chaud et des crevasses peuvent s'ouvrir à chaque instant. » « Mais pourrais-tu me dire ce qu'on voit par moments de rouge sur la pointe de la grande dent ?»« Tu l'as donc vu, le point rouge ? Tu as de bons yeux. C'est un drapeau que des voyageurs avaient planté sur le plus haut rocher de la montagne il y a environ un mois pour faire savoir à ceux qui les regardaient d'en bas qu'ils avaient réussi à monter jusque-là. Il est venu un fort coup de vent qui les a forcés de redescendre bien vite en laissant là leur drapeau que la bourrasque a emporté sur la crête du glacier et qui y est resté accroché, en attendant qu'une autre tempête le décroche. » Catherine dut se contenter de l'explication de Benoît, mais il lui avait passé par la tête une fantaisie qui lui revint en voyant de loin la tante Colette se promener au bas du glacier avec son capulet de laine écarlate sur la tête et sur les épaules. Elle n'était pas si loin que Catherine ne pût la reconnaître, et bien que la pauvre enfant n'eût pas filé 3 aunes de fil ce jour-là, elle alla tout de suite à sa rencontre, sans songer à quitter sa quenouille pleine et son fuseau vide. Quand elle se vit tout près de la tante, elle s'aperçut de sa distraction, mais il était trop tard pour reculer. Elle l'aborda résolument en lui demandant si elle ne craignait pas de se fatiguer en allant comme cela sur le glacier. « À mon âge, » lui répondit Madame Colette, « on ne se fatigue plus. On marche avec la volonté, et les jambes suivent sans qu'on sache si elles existent. Mais je ne viens pas du glacier, ma fille. Il n'y fait point bon en ce temps-ci. Je suis les bons sentiers, il y en a toujours quand on les connaît. » Alors, ma grand-tante, c'est bien vous qui étiez là-haut il y a environ une heure. J'ai vu votre capulet rouge. Là-haut, Catherine? Qu'appelles-tu là-haut? Je ne sais pas, dit Catherine interdite. J'ai cru vous voir dans le ciel au-dessus des nuages. Qui a pu te faire croire que j'étais capable d'aller si haut que cela? Est-ce que tu me prends pour une fée? Mon Dieu, ma tante, quand vous seriez fée, qu'est-ce qu'il y aurait d'étonnant? Je ne veux point vous fâcher. On dit qu'il y a de bonnes et de méchantes fées. Vous ne pouvez être que dans les bonnes, et les gens du village qui montent jusque par ici et que je commence à comprendre disent avec raison que vous travaillez comme une fée. On me l'a dit souvent à moi-même, répondit Madame Colette. Mais c'est une manière de parler, et je ne suis pas fée pour cela. Je vois que tu as une petite tête remplie d'imagination drôle. C'est de ton âge, et je ne voudrais pas te voir aussi raisonnable que moi, ce serait trop tôt. Pourtant, un tout petit brin de raison ne te nuirait pas, ma mignonne. Je vois que tu n'as pas beaucoup appris à filer aujourd'hui. Hélas, ma tante, vous pourriez bien dire que je n'ai pas filé du tout. Ne pleure pas, mon enfant, ça viendra avec le temps et la patience. Ah, vous dites toujours comme cela, s'écria Catherine, dépitée. Vous en avez vraiment trop, vous, de la patience, ma chère grand-tante. Vous me traitez comme un petit enfant, vous ne me croyez pas capable d'apprendre vite, et si vous vouliez pourtant... Voyons, dit la tante, tu me fais des reproches, comme s'il y avait un secret pour remplacer la volonté et la persévérance. Je te déclare que je n'en connais pas et qu'il ne m'en a été révélé aucun. Tu fais l'amour? Tu as quelque idée que je ne devine pas. Veux-tu m'ouvrir ton cœur et m'y faire lire comme dans un livre? Oui, je le veux, dit Catherine en s'asseyant sur une grosse pierre moussue auprès de Madame Colette. Je vous dirai tout, car j'ai une faute sur la conscience, et je crois que c'est cela qui me rend un peu folle. Catherine alors se confessa de sa curiosité et raconta comme quoi elle avait regardé à travers la fente de la porte de sa tante. Je n'ai rien vu et rien surpris, dit-elle. Vous n'y étiez point. Mais si vous n'eussiez pas été sortie, je vous aurais vu travailler et j'aurais volé votre secret. Tu n'aurais rien volé du tout, répondit Madame Colette. Je te répète que je n'ai point de secret. Si tu étais entrée dans ma chambre, tu aurais pu monter dans mon atelier qui est au-dessus. C'est là que je garde ce qu'on appelle le nuage. Et comme il est malsain de garder dans une maison à cause des petits brins qui entrent dans les narines et dans les poumons, je fais ce travail au plus haut de mon chalet, dans un endroit où l'air circule librement et emporte au loin ces brindilles imperceptibles qui te nuiraient à toi comme aux autres. Mais tu ne me dis pas tout, Catherine. Quelle idée te fais-tu donc des nuages, puisque tu en parles toujours? Confonds-tu les nuages du ciel avec la matière fine et blanche que j'extrais du lin et que dans notre pays de fileuses habiles on appelle nuage pour dire une chose légère par excellence? Catherine fut très mortifiée de voir qu'elle s'était sottement trompée sur le sens d'un mot et qu'elle avait bâti mille chimères sur une métaphore bien simple. Tout cela ne lui expliquait pas ses propres visions, et voulant en avoir le cœur net, elle revint à son nuage rose et raconta tout ce qui en était. Madame Colette l'écouta sans la reprendre et sans se moquer. Au lieu de la gronder et de lui imposer silence, comme eût fait Sylvaine, elle voulut savoir tout ce qu'il y avait de rêverie dans cette petite tête, et quand elle eut tout entendu, elle devint songeuse, resta quelques minutes sans parler, et dit enfin « Je vois bien que tu aimes le merveilleux et qu'il faut y prendre garde. » Moi aussi j'ai été enfant et j'ai rêvé d'un nuage rose. Et puis j'ai été jeune fille et je l'ai rencontré. Il avait de l'or sur son habit et un grand plumet blanc. Qu'est-ce donc que vous dites, ma tante? Votre nuage était habillé? Il avait un plumet? C'est une manière de parler, mon enfant. C'était un nuage brillant, très brillant, mais ce n'était rien de plus. C'était l'inconstance. C'était le rêve. Il apportait l'orage, lui aussi, Et il disait que ce n'était pas sa faute, parce qu'il avait la foudre dans le cœur. Et un beau jour, c'est-à-dire un mauvais jour, j'ai failli être brisé comme ton pommier fleuri. Mais cela m'a corrigé de croire aux nuages, et j'ai cessé d'en voir. Méfie-toi des nuages qui passent, Catherine, des nuages roses surtout. Ils promettent le beau temps et portent en eux la tempête. Allons, ajouta-t-elle, reprends ta quenouille et file un peu ou fais un somme, tu fileras mieux après. Il ne faut jamais se décourager, les rêves s'envolent, le travail reste. Catherine essaya de filer en causant avec sa tante, mais ses yeux se fermèrent et le fuseau s'échappa de ses doigts. Elle fut tout d'un coup secouée comme par un tremblement de terre. Elle vit la tante Colette debout auprès d'elle, et pour la première fois en colère. Elle avait son capulet rouge rabattu sur les épaules, et ses cheveux blancs flottaient comme un nimbe autour de sa belle figure pâle. « Tu dors, paresseuse !» lui dit-elle d'un air fâché. « Je t'ai dit de choisir, et tu as choisi. Tu rêves sans rien faire. Allons, debout, et suis-moi. Je vois bien qu'il faut te donner mon secret. Tu vas l'apprendre. » Catherine se leva, et dormant encore à moitié, elle suivit la tante Colette. Mais elle la suivait avec peine, car la vieille dame marchait plus vite que le vent et montait un grand escalier de saphir et d'émeraude avec une légèreté étonnante. Catherine se trouva dans un merveilleux palais de diamants où l'on marchait sur des tapis d'hermine, à travers des colonnades de cristal. Elle se trouva vite au fait de l'édifice merveilleux. « Nous voici sur le haut du glacier, » dit alors la tante avec un rire épouvantable. « Il faut avoir le courage de me suivre sur la grande dent. Prends-toi ma robe, allons, il ne s'agit pas d'avoir peur. Le nuage rose t'attend et tu lui as donné ta parole. » Catherine prit la jupe de sa tante, mais elle glissa et ne put monter. Alors la tante lui dit « Prends la corde et ne crains rien. » Elle lui présentait un bout de fil si fin, qu'on avait de la peine à le voir. Catherine le prit pourtant, et bien qu'elle tira très fort et glissa à chaque pas, le fil ne rompit point. Elle arriva ainsi à la pointe de l'aiguille de glace, et la tante lui arracha sa quenouille qu'elle planta dans la neige en lui disant d'une voix terrible « Puisque tu ne sais pas te servir de cela, voici l'outil qui te convient !» Et elle lui mit dans les mains un balai aussi long et aussi chevelu qu'un grand sapin. Catherine le prit résolument et le trouva fort léger. « À présent, » lui dit la tante, « il s'agit de balayer. » Et elle la poussa rudement dans l'espace. Catherine se crut précipitée au bas de la montagne, mais il n'en fut rien. Elle se trouva retenue en l'air par le fil que sa tante avait enroulé autour de son bras, et elle put marcher sur les nuages aussi facilement que si c'eût été la prairie. « Allons, balaye !» cria Madame Colette. « Amène-moi ici tous ces nuages, il me les faut tous, tous, sans qu'il en manque un seul. » Catherine balayait, balayait, mais jamais assez bien et assez vite au gré de sa tante qui lui criait « Allons, plus vite et mieux que ça, plus loin, faudra-t-il t'envoyer une charrette et des bœufs pour me rentrer tous ces nuages ?» Catherine parcourait tout le ciel, ramenant en tas les nuages que poussait son grand balai. En un instant, elle eut proprement balayé tout le ciel. « Amène-moi les tas !» criait encore Dame Colette. « Pousse, pousse ! Il m'en faut faire un seul, et que je l'ai là dans les mains !» Catherine poussait, amassait, et Colette rangeait tout cela en une meule gigantesque qui couvrait toute la dent du glacier. « Reviens à présent, » lui dit-elle. « Il faut m'aider, mais attends que je mette mes lunettes !» Elle mit sur son nez aquilin ses grandes lunettes d'argent. « Que vois-je ? » s'écria-t-elle. « Tu as oublié le nuage rose. Crois-tu que je veuille faire grâce à ton bel ami ? Cours vite me le chercher et ne souffre pas qu'il échappe. » Le nuage rose fit beaucoup courir Catherine. Entraîné par le vent, il allait disparaître. Catherine lui jeta le fil qui la retenait dans l'air et aussitôt il vint se blottir dans son tablier en chantant d'une voix douce et plaintive. « Cher petit tablier qui m'a déjà sauvé, sauve-moi encore. Catherine, bonne Catherine, prends pitié de moi, ne me livre pas à la fileuse. » Catherine revint auprès de sa tante. Elle avait relevé et noué son tablier, espérant que dame Colette n'y ferait pas attention. Le fait est qu'elle était très affairée. Elle avait bien dressé et bien peigné sa meule. Et armée de cardes très fines, elle commençait à carder les nuages. Elle allait si vite qu'en un moment ce fut fini, et comme Catherine se baissait pour enlever une charge de cette ouate éclatante, son tablier se dénoua et le nuage rose roula dans le tas. « Ah, friponne que vous êtes !» dit la tante en le saisissant dans ses cardes. « Vous avez cru que je ne le découvrirais pas. Au tas le nuage rose, au tas comme les autres !»« Ma tante, grâce pour celui-là » s'écria Catherine. « Grâce pour mon petit nuage !»« Mets-le sur ta quenouille !» répondit dame Colette. « Le voilà cardé. Fais-en du fil, et vite, je le veux !» Catherine reprit sa quenouille et fila en fermant les yeux pour ne pas voir l'agonie du pauvre nuage. Elle entendit de faibles plaintes. Elle faillit jeter la quenouille et se sauver. Mais ses mains s'engourdirent, ses yeux se troublèrent, et elle se retrouva couchée sur la pierre moussue à côté de sa tante qui dormait aussi. Elle se leva et secoua madame Colette qui lui dit en l'embrassant « Eh bien, nous avons été paresseuses toutes deux, nous avons dormi l'une et l'autre. Est-ce que tu as rêvé quelque chose ?»« Oh oui, ma tante, j'ai rêvé que je filais aussi bien que vous, mais ce que je filais, hélas, c'était mon nuage rose. »« Eh bien, mon enfant, sache qu'il y a longtemps que j'ai filé le mien. » Le nuage rose, c'était mon caprice, ma fantaisie, mon mauvais destin. Je l'ai mis sur ma quenouille, et le travail, le beau et bon travail, a fait de l'ennemi un fil si léger que je ne l'ai plus senti. Tu feras comme moi, tu ne pourras pas empêcher les nuages de passer, mais tu auras fait provision de courage. Tu les saisiras, tu les carderas, et tu les fileras si bien qu'ils ne pourront plus faire l'orage autour de toi et en toi-même. Catherine ne comprit pas beaucoup la leçon, mais elle ne revit plus le nuage rose. Quand, 3 mois plus tard, sa mère vint la voir, elle filait déjà 10 fois mieux qu'au commencement, et au bout de quelques années, elle était aussi habile que la tante Colette, dont elle était la riche héritière.